danse dirigée par la chef d'orchestre finlandaise Susanna Malki avec le pianiste Roger Muraro propose la Touran Galila Symphonie d'Olivier Messiaen. Chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, vie et mort, un déferlement de couleurs et de rythmes. Le vendredi 29 mars à 20h à l'auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr. Événement, ce lundi dès 18h15, le Grand Débat National sur France Culture, animé par Guillaume Erler. Une émission exceptionnelle à l'occasion du Grand Débat National. Emmanuel Macron échangera avec 65 intellectuels, chercheurs, universitaires sur la situation de notre pays. Alors venez nous rejoindre sur l'antenne de France Culture. Ce sera ce lundi dès 18h15 et sur franceculture.fr. Le Grand Débat National, en direct de l'Élysée, à retrouver sur l'antenne de France Culture dès 18h15 et en direct vidéo sur franceculture.fr. Je vous ai déjà dit bonjour Nicolas Martin, c'est moi qui dormais un petit peu tout à l'heure. C'est la fatigue du lundi, mais on va en parler de la fatigue du lundi. Elle existe, elle est réelle. Bonjour, elle existe, Mathieu. Oui. Bonjour. On se retrouve demain. À demain. Avec l'insomnie, on a l'impression de s'introduire dans un lieu défendu, écrivait Marguerite Duras. Un tout récent baromètre de santé publique en France indique que la qualité de notre sommeil se dégrade très nettement. Nous avons perdu 1h30 de sommeil par nuit en 50 ans et nous sommes arrivés collectivement sous les 7 heures de sommeil, jour de repos inclus. Paradoxalement, la part d'insomnie semble avoir légèrement reculé. À l'heure où plusieurs études, donc une vaste enquête épidémiologique, relèvent des prédispositions génétiques à l'insomnie, où en est-on, quand sait-on et pourquoi dormons-nous si mal ? Insomnie, voyage au bout de la nuit, c'est le programme Éveillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de nos connaissances sur l'insomnie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Joëlle Adrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et nous sommes en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon avec Claude Gronfier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste à l'INSERM également, vice-président de la Société francophone de chronobiologie. Et à mes côtés, pour vous interroger l'un et l'autre, Caroline Brun. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est vous qui avez coordonné le dossier stress et sommeil qui est publié dans ce numéro de mois de mars de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bienvenue à vous. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes, en différé sur franceculture.fr, même en podcast pour peupler vos nuits sans sommeil en vous abonnant à votre plateforme de podcast préférée, à la méthode scientifique, mais comme toujours en complément via notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, on se préoccupe, comme on l'a entendu à l'instant, de plus en plus de la qualité de notre sommeil. Pourtant, la recherche des origines des troubles insomniaques ne date pas d'hier. Et parmi ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, écoutez ce que dit cette archive de la radiodiffusion française en mai 1959. Il y a le sel. Savez-vous qu'un excès de sel peut provoquer des troubles sérieux ? Par exemple, on a pu provoquer chez un individu prédisposé au somnambulisme des manifestations somnambuliques en lui faisant ingérer tout simplement 6 grammes de sel au repas du soir. Parfois, le sel cause des cauchemars terrifiants. Et je puis vous citer aussi le cas d'une maman qui est venue nous consulter car son enfant dormait très mal, particulièrement lorsqu'il dînait chez des amis. Notre interrogatoire nous a permis de comprendre que la cause de l'insomnie était tout simplement les petits biscuits salés servis à l'apéritif et dont l'enfant était très friand. Il a donc suffi de supprimer l'apport de sel au repas du soir pour que cet enfant dorme normalement. Voilà, extrait de Le Progrès et la Vie, c'était diffusé en mai 1959 sur les ondes de la radiodiffusion française. Joëlle Adrien, les petits biscuits salés, c'est pas bon pour le sommeil ? C'est-à-dire que ça serait bien si c'était aussi simple que ça, mais non, c'est pas une question de biscuits salés malheureusement. Ce que dit un peu cette archive, c'est qu'on a longtemps cherché différentes causes à l'insomnie. C'était le repas, les repas trop lourds, toutes sortes de causes environnementales. Or on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que des facteurs environnementaux à ce type de trouble du sommeil. Oui, on sait qu'il y a des facteurs génétiques et c'est ça qui est scientifiquement qui est le plus intéressant parce que surtout avec les progrès de la génétique, et du big data, on en parlera, eh bien, on espère trouver vraiment des solutions nouvelles. D'abord des mécanismes nouveaux et puis des solutions nouvelles pour aider les gens qui sont insomniaques, c'est-à-dire pour qui c'est une maladie et dont il est très difficile de guérir à l'heure actuelle. Claude Gronfier, votre réaction à cette petite archive de 1959 ? Ouais, elle est très drôle, évidemment, je suis d'accord avec Joël. Malheureusement, c'est plus compliqué. Et moi, j'aurais fait l'hypothèse qu'en fait, c'était la quantité de biscuits ingérés qui pouvait perturber le sommeil plutôt que le sel. Peut-être pour commencer un peu, que vous inspire l'un et à l'autre ce baromètre de Santé publique France sur la moyenne de sommeil des Français, sur le fait que collectivement, donc, notre qualité de sommeil va en se dégradant, que nous dormons de plus en plus. Est-ce que on peut lier ça directement à l'insomnie ou est-ce que c'est quelque chose de plus vaste, Joël Adrien ? Ça confirme des données qu'on connaissait déjà et le baromètre santé de 2010, puisque Santé publique France fait un baromètre santé tous les 7 ans. Bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution depuis 7 ans. Il y a une petite baisse de sommeil, mais ça serait dû essentiellement au mode de calcul qui est un petit peu différent d'il y a 7 ans. Mais dans toutes les civilisations occidentales, modernes, on constate qu'on dort moins qu'il y a 40 ans, 50 ans, d'après ce qu'on sait, et on dort 1h30 de moins. Alors, il y a sûrement des facteurs sociaux, environnementaux, mais on ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Claude Gronfier, est-ce qu'il y a une quantité de sommeil qui serait la quantité de sommeil idéale pour toutes et tous ? Est-ce que la quantité de sommeil peut être variable ? Est-ce que nous vivons aussi dans une société qui prime un peu socialement ? Ah, incroyable, regardez cette personne, pour ne pas citer le président de la République, il ne dort que 3 heures par nuit et il est toujours en forme. C'est un peu la réalité socio-culturelle de nos environnements contemporains. Oui, tout à fait. Ce genre de petites phrases, justement, c'est comme celle que vous évoquez, ou cette phrase qu'on disait il y a encore quelques années, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, on fait beaucoup de mal au sommeil. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de durée idéale et il n'y a pas de durée commune à tous. Chacun a son propre besoin de sommeil. Il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs. Ceux qui ont besoin de 8, 9 ou 10 heures de sommeil doivent prendre cette durée de sommeil pour être tout à fait en forme. Les petits dormeurs, qui d'ailleurs souvent ne sont pas de vrais petits dormeurs, ont la sensation d'avoir suffisamment dormi avec 6 heures. Et donc on voit que la durée de sommeil n'est pas quelque chose de commun à tous. Évidemment, il y a une partie génétique liée à ça qui explique la durée de sommeil. Et puis, il y a évidemment aussi le comportement et l'environnement qui vont moduler ce besoin de sommeil. Joël-Adrien. Alors, il semblerait, oui, qu'il y a des facteurs génétiques qui déterminent ce besoin de sommeil. Et on a trouvé ça assez récemment, depuis il y a 15 ans à peu près, grâce à un nouveau modèle du sommeil, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du sommeil, mais on considère que c'est un bon modèle de départ pour étudier les gènes. C'est le sommeil de la mouche, en fait, le drosophile. Voilà. Et effectivement, en étudiant les variations génétiques des drosophiles, ce qui est facile à faire parce qu'elles se reproduisent rapidement et puis on peut faire une manipulation génétique. En fait, on peut faire une mutation de gènes. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des mouches qui dorment longtemps et des mouches courtes dormeuses et des mouches longues dormeuses. Donc, on pense qu'effectivement, c'est supporté par des gènes. Et puis, dans des familles, il y a des familles entières de personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil et d'autres qui ont besoin de plus de sommeil. Caroline Moin. Oui, il y a aussi l'effet de l'âge. Hein, qu'on oublie un peu, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le même besoin de sommeil quand on est un petit bébé et quand on est une personne âgée, même si on a l'impression que les seniors ont moins besoin de sommeil, alors qu'ils en ont évidemment également besoin, mais beaucoup moins qu'un adolescent. Quand on dit à un ado « mais arrête d'être tout le temps fatigué », c'est une erreur, parce qu'il a des besoins différents. Joël Adrien, oui, ce propos. Il ne faut pas confondre sommeil et fatigue. Hein, voilà, c'est deux choses différentes aussi. Oui, oui, non, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas terminé sa croissance, on a besoin de beaucoup plus de sommeil que quelqu'un qui est adulte. Voilà. Claude Gronfier, est-ce qu'il faut distinguer peu dormir, mal dormir et l'insomnie ou les insomnies chroniques ou pathologiques ? Ce sont des choses différentes ou est-ce que tout ça se recoupe un peu ? Disons que tout ça se recoupe un peu quand on nous rapporte mal dormir ou pas suffisamment dormir, ça met en évidence un problème. Ça met en évidence le fait que cette personne-là ne dort pas suffisamment, n'éprouve enfin éprouve le besoin de dormir plus. Donc il faut évidemment toujours chercher les raisons à ce problème. On va, j'imagine, en parler, mais si le sommeil n'était qu'un détail, alors déjà on ne ferait pas cette émission, j'imagine, mais en plus de ça, on s'inquiéterait moins. Mais évidemment, on a appris au cours des 15-20 dernières années que le sommeil est impliqué dans la régulation d'un ensemble de mécanismes très importants, le métabolisme, le système cardiovasculaire, la cognition, la croissance, la division cellulaire, etc. Donc quand on nous indique qu'il y a soit un sommeil insuffisant, soit un sommeil qui n'est pas d'assez bonne qualité, alors il faut s'y pencher avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons d'insomnie tout au long de cette heure en compagnie de Joëlle Adrien qui est neurobiologiste chez la directrice de recherche à l'INSERM, avec Claude Gronfier qui est en duplex avec nous depuis Lyon, qui est également neurobiologiste à l'INSERM, et avec ma camarade Caroline Brun du magazine Science et Avenir. Joëlle Adrien, finalement, on entend là depuis ces quelques minutes parler de plein de choses différentes, de composantes génétiques, de composantes environnementales. Qu'est-ce que c'est que l'insomnie ? Quelle est la définition médicale de l'insomnie ? Voilà, c'est très important de savoir quelle est la définition médicale, parce que tout le monde peut avoir des difficultés de sommeil, nuit, deux nuits, trois nuits, voilà, des difficultés de sommeil. On dort plus ou moins bien. Et puis, il y a une définition médicale de l'insomnie qui est que toute chose étant prête pour que le sommeil soit bon, c'est-à-dire il n'y a pas de bruit, les voisins font pas la fête jusqu'à 5 heures du matin, etc., votre sommeil devrait se passer naturellement, et pourtant vous n'arrivez pas à avoir un sommeil suffisant et qui est restaurateur. Et ça, si ça se produit plus de 3 fois par semaine et depuis plus de 3 mois, c'est de l'insomnie chronique, et c'est vraiment une maladie dont il est très difficile de se sortir tout seul. Donc c'est vraiment là qu'il faut aller consulter, il y a des spécialistes pour ça. Et aller consulter, c'est une chose, ils vont diagnostiquer l'insomnie. Et après, il y a des approches qui sont pas idéales pour traiter l'insomnie, mais notamment l'approche la plus efficace, c'est une approche comportementale et cognitive. Il y a aussi des somnifères, mais ça, on peut en parler, c'est une autre approche qui peut pas être efficace à long terme. On parlera des différents remèdes et des différents traitements effectivement de ces insomnies, qu'elles soient passagères ou chroniques, Caroline Brun. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'insomnie, ça n'a pas seulement des effets sur votre vie nocturne, ça en a aussi beaucoup sur votre vie diurne. Vous n'êtes pas le même selon que vous dormez ou que vous ne dormez pas. Tout à fait, c'est d'ailleurs la définition de l'insomnie, c'est-à-dire ce sont des difficultés pendant la nuit, des difficultés de sommeil et une répercussion sur le fonctionnement dans la journée. Parce que si c'est quelqu'un qui s'endort tard, qui a des difficultés à s'endormir, qui dort pas beaucoup, mais qui le lendemain est en pleine forme, c'est un court dormeur qui s'ignore. Et il croit qu'il faut dormir 8 heures pour être en forme, donc il essaye à tout prix de dormir, il dort pas parce qu'il n'en a pas besoin, simplement. Donc c'est vraiment la composante commune des différentes difficultés de sommeil qu'on peut éprouver pour caractériser l'insomnie, c'est qu'il y a une répercussion diurne qui vous empêche de fonctionner normalement dans la journée. Claude Gronfier, pour compléter donc deux composantes, une composante sur la qualité du sommeil et sur ses répercussions sur l'activité diurne pour vraiment diagnostiquer une insomnie chronique. Oui, exactement, Joël l'a bien expliqué, c'est important de prendre ces deux aspects en compte, parce que un petit dormeur qui s'ignore, comme Joël l'a évoqué, va être tout à fait en forme pendant la journée. Et c'est bien la plainte de sommeil et la plainte de veille qui constituent le diagnostic. C'est une maladie de la plainte, c'est important, hein. C'est le point de départ qui peut permettre de poser un diagnostic, Claude Gonfier. Oui, exactement, oui, c'est tout à fait le point de départ. Quelqu'un qui ne va pas se plaindre, finalement, va continuer sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de troubles associés à cette absence de sommeil ou cette insuffisance de sommeil. Mais s'il ne ressent pas ces troubles ou s'il n'a aucune difficulté à vivre avec ce sommeil perturbé, finalement, rien ne va l'inciter à consulter et personne d'ailleurs ne va lui en parler. C'est bien une des difficultés de la médecine en général. Dès lors qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de diagnostic à poser, j'allais dire. Joël Adrien, pour poser ce diagnostic d'insomnie ou d'insomnie chronique, la plainte est suffisante ou est-ce qu'il y a des examens complémentaires ? On parle souvent de polysomnographie. Est-ce que tout ça est nécessaire pour pouvoir diagnostiquer une insomnie chronique ? Alors, les examens complémentaires ne sont pas nécessaires. Parfois, ils sont effectués parce qu'ils permettent d'éliminer ou de constater qu'il y a une cause annexe qui vient se surajouter à l'insomnie. C'est le cas des apnées du sommeil, par exemple. Ça n'exclut pas qu'on soit insomniaque. On peut avoir malheureusement les deux, des apnées du sommeil et de l'insomnie. Alors ça, c'est une chose. D'autre part, la plainte est au départ le premier diagnostic à établir pour l'insomnie, mais au fur et à mesure des recherches, on s'aperçoit que la durée du sommeil, la durée objective du sommeil est aussi assez importante et que notamment une plainte d'insomnie avec une durée de sommeil objective, donc mesurée par la polysomnographie, de moins de 5 heures, ça semblerait associé d'autres maladies avec une association beaucoup plus fréquente, un risque d'être associé à d'autres maladies comme le diabète ou la dépression beaucoup plus forte. C'est-à-dire que, si je comprends bien, il y a une sorte de sous-estimation naturel des insomniaques, de la durée réelle de leur sommeil, c'est-à-dire que quand on souffre d'insomnie chronique, on a toujours l'impression de dormir moins qu'on ne dort effectivement. C'est pas une généralité parce qu'on n'a pas enregistré assez de personnes pour savoir, et puis il n'y a pas que la durée du sommeil, il y a aussi la qualité qui compte dans ce sentiment que dans la plainte, hein, c'est-à-dire si on ne dort pas d'un sommeil assez restaurateur, la polysomnographie ne permet pas exactement d'évaluer la qualité. Ça permet dans une certaine mesure. Mais disons qu'en gros, on s'oriente dans cette direction scientifiquement, c'est-à-dire que si la durée du sommeil est faible, la durée objective, c'est plus grave, entre guillemets, du point de vue médical. Voilà. Claude Gonfier, on voit bien, c'est que là se superpose la notion de qualité du sommeil, de sentiment d'avoir bien ou mal dormi. Et quand on voit effectivement ces différences, ce différentiel entre ce que dit la polysomnographie, dire bah, vous avez dormi finalement, vous avez dormi 5h30, et que finalement l'insomniaque dit ah mais non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Concrètement, il a dormi, mais il n'a pas le sentiment d'avoir bien dormi. Et c'est, il y a un delta là qui est intéressant en termes de stricto sensu de diagnostic médical. Oui, c'est un point qui est intéressant. Ça, c'est toujours effectivement une grosse surprise quand on dit aux patients qu'ils ont finalement dormi suffisamment longtemps. Ils ont beaucoup de mal à le croire. Il y a cette sensation de ce phénomène de misperception de la durée du sommeil qui est assez classique, qui est pas toujours le cas, mais qui est fréquemment observé. Et les mécanismes ne sont pas toujours très clairs. La raison pour laquelle il y a cette misperception n'est pas toujours très claire. En tout cas, évidemment, si il y a cette, même s'il y a une misperception de la durée du sommeil, le fait qu'il y ait une plainte de sommeil chez l'individu fait qu'il va falloir faire quelque chose. Que sait-on aujourd'hui, Joël Adrien, que nous disent en fait les études épidémiologiques à propos de l'insomnie? Il y a des populations, tout à l'heure Caroline en parlait, on est plus insomniaque quand on est plus âgé, c'est systématique. On voit souvent une surreprésentation des femmes. Est-ce que tout ça est bien connu? Oui, il y a une surreprésentation des femmes dans la mesure où l'insomnie est une plainte. Eh bien, les femmes. Non, mais c'est une plainte au sens c'est médical. Vous qui dites que les femmes se plaignent plus que les hommes. Hein. C'est un mot dangereux. C'est un mot dangereux parce que le sens médical de la plainte n'est pas du tout une plainte au sens méprisant. Voilà. Donc, dans la mesure où l'insomnie est une plainte au sens médical, effectivement, les femmes on ressentent beaucoup plus l'insomnie que les hommes. En fait, c'est deux tiers un tiers hein, dans le pool de patients qu'on voit arriver dans les consultations de sommeil, il y a deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes insomniaques. Ceci dit, si on regarde l'évolution du sommeil, on peut appeler ça une dégradation avec l'âge. On peut appeler ça une dégradation, mais pas forcément, c'est juste naturel. Le sommeil qui prend de l'âge, c'est comme la peau qui prend de l'âge. La peau qui prend de l'âge, elle prend des rides, ben le sommeil prend des rides. Voilà, c'est une jolie expression. C'est, alors, on peut appeler ça une dégradation, mais bon, désolé, c'est une évolution naturelle. Donc, le sommeil change de qualité avec l'âge. Il est moins restaurateur. Ben, on a besoin peut-être de moins récupérer avec l'âge, parce qu'on se dépense moins. Ceci dit, il y a des façons de ralentir hein, le vieillissement, les rides du sommeil. Donc, ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, avec l'âge, ça va se transformer, exactement comme avec le développement du bébé jusqu'à l'âge adulte, ça se transforme, et bien pendant le vieillissement, ça se transforme aussi. Claude Gonfier, sur l'épidémiologie de l'insomnie. Alors moi, je voulais juste revenir sur la notion du vieillissement qui a été déjà abordée par des études épidémiologiques. C'est évidemment très important d'avoir à l'esprit et que les auditeurs comprennent bien cette notion du fait que cette modification du sommeil au cours de l'âge, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas un problème non plus. Et c'est très important de mentionner ce point-là, parce que on a toujours tendance à penser que ça pose un problème, et la raison pour laquelle on est moins performant, aussi bien cognitivement que physiquement, avec le vieillissement, c'est aussi en partie lié à cette altération du sommeil. Il n'y a évidemment pas d'évidence de cela. Et comme Joël l'a mentionné, cette diminution naturelle du sommeil, elle fait partie du processus naturel du vieillissement. Il y a eu plusieurs études, très belles études épidémiologiques sur le sujet, qui vont toutes dans le même sens, qui montrent qu'effectivement, la durée du sommeil diminue, la quantité de sommeil à ondes lentes diminue aussi, et on observe aussi une diminution du sommeil paradoxal. Ce qui apparaît, c'est un peu plus d'éveil pendant le sommeil. Le sommeil est un peu plus fragmenté et plus court en durée, comme on l'a déjà dit. Caroline Brun. Oui, alors si on reprend, je voudrais rebondir sur ce que dit Claude Gonfillet parlant. Est-ce que par moment, on peut rater le moment du sommeil? Là, je parle peut-être pas des insomnies chroniques, mais au fond, est-ce qu'il y a, indépendamment de la génétique, indépendamment de l'âge, indépendamment de choses naturelles et physiologiques, est-ce que soi-même, on peut faire des choses qui font qu'on va passer à côté du moment où on aurait pu s'endormir, puis une fois qu'il est passé, on est bien embêté? Joël-Adrien. Oui, bien sûr. Ah, ou Claude Gonfillet, allez-y, pardon, non, allez-y. Excusez-moi. Non, pas de problème, allez-y, Claude Gonfillet. Non, ce que j'allais dire, en fait, c'est, évidemment, on peut rater ce train du sommeil ou ce wagon du sommeil. Et l'une des raisons pour lesquelles on le rate, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique qu'on a beaucoup perdu de sommeil au cours des dernières années, c'est parce que, on va être confronté à un ensemble de stimuli, de stimulations à la maison, qu'on n'avait pas il y a 50 ou 100 ans. L'électricité, la lumière en est une, les écrans s'en est un autre, on va peut-être y revenir. Et donc, tout ça fait qu'on a sans doute grignoté, et surtout ce qui se passe en début de nuit. On a perdu ce sommeil de début de nuit à cause de ce qui nous entoure. Joël-Adrien. Alors cette notion de train du sommeil, elle devient de plus en plus fausse, parce que quand on pense train du sommeil, c'est une notion des années 60, quand on a découvert le sommeil, et où on a imaginé que chaque cycle de sommeil d'une heure et demie était un petit train, et que si on avait raté ce train-là, il fallait attendre le suivant, c'est-à-dire le prochain train, et qu'il y avait 4, 5 ou 6 trains dans la nuit. Depuis qu'on a découvert l'horloge biologique, et c'est ce dont parlait vraiment Claude Gonfillet à l'instant, on sait que c'est plus important la période de sommeil sur les 24 heures, qui est réglée par l'horloge biologique, qui est décidée par l'horloge biologique, on le décide pas soi-même, c'est l'horloge biologique qui dit quand le train va partir. Et finalement, le train, une fois qu'il est parti, bon d'accord, il y a peut-être 5 wagons, mais c'est pas des wagons qui sont indépendants. Donc en fait, il y a un seul train du sommeil. Et c'est en ce sens qu'on peut, si on n'a pas bien réglé son horloge biologique, c'est en ce sens qu'on peut le rater, mais on va le récupérer dès qu'on ira se coucher. Donc... Il n'y a pas vraiment de rater un train. Oui, Nicolas, je me demandais si pour nos auditeurs, ce n'était pas peut-être le moment de réexpliquer les phases du sommeil. Exactement, c'est ce que j'allais demander à Claude Gonfillet, puisque c'est aussi ce sur quoi vous travaillez, sur la chronobiologie. Aujourd'hui, on connaît bien, on connaît mieux ce que vient de dire Joël-Adrien. C'est d'ailleurs l'objet de vos travaux de recherche, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, une fois que la lumière baisse, il y a des processus biologiques qui mettent en jeu la mélatonine dans notre corps et qui nous permettent d'aller petit à petit vers l'endormissement, de baisser notre niveau de veille. Vous pouvez nous réexpliquer un peu comment ça marche tout ça ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, effectivement, le sommeil est régulé par, on va dire, deux grands mécanismes. L'un qui est le mécanisme de l'horloge biologique que vous avez qualifié de circadienne, c'est tout à fait juste. Cette horloge biologique qui est localisée dans le cerveau, elle permet en fait de donner le timing, de donner le tempo. C'est elle qui va, comme Joël l'a évoqué, déclencher finalement l'endormissement le soir. Elle va déclencher les processus qui sont impliqués dans l'endormissement, inhiber ceux qui sont impliqués dans l'éveil. Le deuxième grand mécanisme régulateur, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Alors les scientifiques l'appellent du nom compliqué de pression homéostasique de sommeil ou mécanisme homéostasique de régulation du sommeil. C'est en fait ce qui, et c'est très simple, c'est ce qui finalement démarre le matin quand on se réveille. Eh bien la pression de sommeil est en général, si on a bien dormi et qu'on est à satiété de sommeil, qu'on n'a pas de dette, eh bien ça démarre à zéro. Et puis au cours du temps qui passe, pendant la journée, eh bien la pression de sommeil augmente progressivement. Et le soir, en fin de journée, eh bien l'horloge va déclencher l'endormissement. Si la pression de sommeil est élevée, l'endormissement va se produire très très vite. Et pour revenir au point précédent tout à l'heure, on évoquait cette notion de train de sommeil et cette notion de est-ce qu'on peut rater finalement le moment du sommeil. La fenêtre d'endormissement. Oui. Voilà, la fenêtre d'endormissement, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire si en fin de journée, on va être stimulé par un ensemble de stimuli ou quelques-uns en particulier qui font que eh bien, on va finalement lutter contre le sommeil, soit parce qu'on a une mauvaise hygiène de sommeil, soit parce qu'on a pris trop de caféine, soit parce qu'on a été exposé à trop de lumière ou qu'on est un amateur de jeux vidéo par exemple, eh bien, la pression de sommeil sera moins ressentie. L'horloge va déclencher le sommeil, en tout cas elle va essayer de déclencher le sommeil, mais tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours va éventuellement réduire cette sensation de fatigue, cette pression de sommeil. Et donc là, on va pouvoir, pendant quelques heures, retarder le moment où, finalement, on va se coucher et où le sommeil va prendre place. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit ces deux mécanismes séparés qui sont très impliqués dans la régulation du sommeil. C'est ce qu'on, les composantes environnementales à l'insomnie, à la difficulté de s'endormir, mais il faut peut-être aussi préciser maintenant, Joël Adrien, qu'on parle d'une insomnie, il y a différents types d'insomnie, il y a la difficulté d'endormissement, il y a les éveils nocturnes, il y a le réveil précoce, tout ça ce sont les mêmes types de fonctionnement ou est-ce que ce sont différents types de pathologies? Alors tout ça, ça peut être le même type de fonctionnement, c'est-à-dire que ça peut être dû à un hyper-éveil sous-jacent, c'est-à-dire que la pression de sommeil qui aurait dû se construire jusqu'au soir, en fait, elle est contrecarrée par la pression de l'éveil. D'un côté, vous avez très sommeil, mais d'un autre côté, si vous êtes hyper éveillé intellectuellement, émotionnellement, ou que vous êtes très énervé et très concentré sur un problème qui vous intéresse ou un événement qui vous intéresse, eh bien, vous allez être très réveillé et la pression de sommeil aura beau s'être accumulée, il va y avoir une compétition entre les deux. Donc, si l'hyper-éveil sous-jacent reste important, vous allez mettre du temps à vous endormir parce que la pression de sommeil va avoir du mal à l'emporter. Et puis, vous n'allez pas rester endormi très longtemps parce que de temps en temps, l'éveil va pousser pour vous réveiller. Donc, vous allez avoir des réveils nocturnes. Et puis, le matin, vous n'allez pas dormir jusqu'à votre heure habituelle, mais vous allez être réveillé précocement. Donc, ça peut être un mécanisme qui explique beaucoup d'insomnie. C'est l'anxiété, qui explique beaucoup d'insomnie par un hyper-éveil sous-jacent. Mais c'est pas du tout la seule cause d'insomnie. C'est très multifactoriel, l'insomnie. Oui, Joël vient de parler du mot d'anxiété. Moi, je voudrais revenir à ce qui a fait le sujet de Science et Avenir, c'est stress et sommeil. Parce qu'en fait, on a l'impression d'une sorte de cercle vicieux. Quand on n'arrive pas à dormir, on augmente son stress. Et quand on est stressé, on dort de moins en moins bien. Comment on peut sortir de cette spirale ? Alors, c'est très difficile de sortir d'un cercle vicieux. C'est ce que je dis à mes patients insomniaques pour les traiter. C'est le principe de la méthode de la thérapie comportementale et cognitive. C'est qu'on est prisonnier d'un cercle vicieux. Et par définition, un cercle vicieux, tout vous ramène au centre du cercle vicieux. Donc, c'est difficile. Mais effectivement, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des stratégies qu'on peut utiliser. Première chose est d'essayer de diminuer le stress tout de même. on reviendra plutôt dans la dernière partie de cette émission sur les traitements et sur les différentes hypothèses, qu'elles soient effectivement des TCC, des thérapies comportivo-comportementales ou qu'elles aient recours à de nouvelles molécules, puisqu'il y a la recherche pharmaceutique. On dit souvent que la France est l'un des premiers consommateurs d'anxiolytiques au monde par tête de pipe, comme on dit, par habitant. On en reparlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on redise peut-être aussi un mot de ces différents types d'insomnie, Claude Gronfier, parce que là, on parle beaucoup d'insomnie qui sont des insomnies ponctuelles. L'insomnie chronique, c'est une vraie maladie qui est amplifiée par ces mécanismes environnementaux que vous décriviez. Alors pour ce qui est de l'insomnie chronique, je préfère laisser parler Joël. Je pourrais vous parler en revanche de l'insomnie temporaire, en particulier celle qui est liée à l'environnement ou à la mauvaise hygiène de sommeil. Parce qu'évidemment, là, on peut jouer sur son environnement pour traiter ces insomnies temporaires qui quelquefois résultent d'une mauvaise hygiène de sommeil ou d'une mauvaise hygiène de lumière. Je ne sais pas si c'est un point sur lequel on reviendra. Si, tout à fait, bien sûr. On reparlera de l'impact des lumières bleues et des écrans sur la distinction, justement, Joël, Adrien, de ces insomnies chroniques qui sont du coup amplifiées par ce rythme de vie, par ce mode de vie, par ce stress que Caroline Brun évoquait tout à l'heure. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de fragile, comme quand on doit faire augmenter la pression de sommeil et que c'est contrecarré par la pression de l'éveil qui vient essayer de prendre le pas sur le sommeil. Parce qu'il faut que Il faut qu'au bon moment, l'un accepte de céder la place à l'autre. Hein. L'éveil et le sommeil, ils sont toujours là, présents quelque part dans le cerveau. Donc, il faut qu'ils acceptent de se laisser la place mutuellement en harmonie avec l'horloge biologique dont parlait Claude confié tout à l'heure. Donc, si l'éveil, tout ce qui contrecarre la pression de sommeil est augmenté par une mauvaise gestion du stress, par des conditions de vie un peu inadaptées, aussi sur le plan alimentaire, sur le plan de l'hygiène du sommeil, de l'hygiène de vie, effectivement ça va aggraver les choses. Mais dans l'insomnie chronique, c'est pas la seule cause. Il y a vraiment, encore une fois, des facteurs, c'est ça qui est intéressant pour la recherche, hein, c'est de voir les facteurs génétiques, les facteurs vraiment biologiques qui peuvent nous aider à trouver des solutions pour les insomniaques. Quels sont-ils justement ces facteurs génétiques, Joël Adrien ? Est-ce qu'effectivement on peut développer de l'insomnie chronique alors même qu'on ne regarde pas la télé, on ne joue pas aux jeux vidéo, on ne mange pas trop de petits biscuits salés avant d'aller se coucher, ou qu'on a en tout cas une sorte d'hygiène de vie relativement calme, et malgré tout le sommeil ne vient pas ? Ce sont des cas d'insomnie graves qui ont souvent des conséquences très lourdes psychologiquement, qui créent des dépressions, des vrais troubles du comportement. Comment faire pour appréhender ce type d'insomnie chronique particulière ? Oui, alors d'abord, c'est rare de voir quelqu'un qui n'a pas du tout essayé de faire quelque chose pour se traiter lui-même de ses difficultés de sommeil. Donc, un insomniaque chronique qui continue à avoir une vie parfaite, pratiquement, ça n'existe pas parce que c'est une telle souffrance de pas dormir que forcément on essaye de trouver quelque chose pour arriver à dormir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est exactement ça. La question, c'est est-ce qu'il existe des insomnies chroniques qui sont des insomnies qui n'ont rien à voir finalement avec des perturbations du rythme de vie ou de l'hygiène de sommeil. Probablement. Et justement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que grâce aux nouvelles recherches, on sait depuis longtemps qu'il y a des comorbidités, c'est-à-dire qu'il y a des maladies associées à l'insomnie qui sont la dépression et le diabète de type 2, notamment. Et donc, avec les nouvelles recherches génétiques, à très très grande échelle, c'est ça qui est passionnant, c'est que on arrive à retrouver des gènes commun de vulnérabilité chez les insomniaques, chez différents types d'insomniaques, avec ces maladies. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va peut-être nous permettre de, dans les différents types d'insomnie, celles qui sont associées aux problèmes psychiatriques ou celles, la dépression, ou celles qui sont associées aux maladies métaboliques, eh bien, on va peut-être pouvoir trouver des solutions biologiques à ces problèmes-là. Sweet Dreams de Eurythmics. Comment ne pas céder à la tentation d'Eurythmics et de leurs doux rêves quand on fait une émission sur l'insomnie et sur le sommeil. C'est l'émission du jour en partenariat avec nos camarades de Science et Avenir et ma camarade Caroline Brun qui est avec moi pour co-animer cette émission. Nous sommes en compagnie de Joël Adrien qui est neurobiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et en duplex depuis les locaux et les studios de Radio France à Lyon avec Claude Gronfier qui est neurobiologiste à l'INSERM et vice-président de la Société francophone de chronobiologie. Alors, on parle donc depuis le début de différentes formes d'insomnie. Il y a des insomnies qui ont une base physiologique, quasiment motrice, et notamment une forme d'insomnie dont nous avions déjà parlé à cette émission et qui aujourd'hui est bien connue et bien documentée, celle qui est liée à l'apnée du sommeil. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à la clinique Pierre Chérette de Neuilly-sur-Seine pour comprendre comment on pose un diagnostic de ce type très particulier de trouble du sommeil. Oui, les apnées obstructives du sommeil sont des arrêts respiratoires. Elles durent par définition plus de 10 secondes et se produisent à répétition à des fréquences plus ou moins grandes durant la nuit. Alors le lien entre ces apnées et l'insomnie n'est pas évident, mais il existe. Pour arriver à les diagnostiquer, le docteur Alain Lurie a mis en place un protocole qu'il propose à ses patients. Un questionnaire d'évaluation sur la propension à la somnolence en journée, un entretien et si les signes sont présents, des examens à la clinique dans son laboratoire du sommeil. L'apnée est responsable souvent, l'apnée obstructive, d'une fragmentation du sommeil et rentre dans la définition même de l'insomnie qui est soit un retard à l'endormissement, soit une difficulté de la continuité du sommeil au cours de la nuit, soit un lever précoce. Ce n'est pas une plainte habituelle, mais c'est souvent une plainte chez les patients qui ont plusieurs pathologies et l'association de pathologies du sommeil et de la vigilance chez un seul patient est fréquente. Plus précisément, est-ce que vous pourriez expliquer, décrire le diagnostic et les différentes étapes qui mènent vers un traitement éventuel ? Le diagnostic d'apnée obstructive du sommeil, c'est premièrement la clinique. Quand un médecin voit un patient, il s'intéresse à la valeur prédictive des symptômes. Les symptômes de l'apnée du sommeil sont peu prédictifs de la maladie. La fatigue peut être liée à ce qu'on ait fait à la fête pendant plusieurs jours ou à un cancer généralisé, ce qui n'est pas du tout la même chose. La deuxième chose, c'est comment faire le diagnostic. Vous avez soit des tests de dépistage qui peuvent faire le diagnostic, comme la polygraphie qui mesure uniquement des variables respiratoires pendant le sommeil. Et quand l'index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre d'apnées, c'est-à-dire d'arrêt respiratoire de plus de 10 secondes, et d'hypopnée, c'est-à-dire la diminution du flux respiratoire pendant plus de 10 secondes, est supérieur à 30, ce test est suffisant pour affirmer le diagnostic. Quand il est inférieur à cette valeur, on propose des polysomnographies qui mesurent non seulement les variables respiratoires, mais également le sommeil. On sait très bien quand le patient dort ou ne dort pas. Souvent, on associe une vidéo pour rechercher des troubles neurologiques ou des parasomnies, c'est-à-dire des manifestations pendant le sommeil, comme la somniloquie, qui est le fait de parler pendant la nuit, ou des troubles du comportement en sommeil paradoxal ou en sommeil profond, par exemple. Est-ce qu'on pourrait aller voir des enregistrements de patients qui souffrent d'apnée du sommeil ? Alors, ici, nous avons deux enregistrements. Le premier est un enregistrement d'un patient qui se plaignait de fatigue, qui en fait développe une insomnie avec très peu d'apnée. On voit qu'il s'est endormi relativement rapidement. On leur demande de ne pas dormir avant 22 heures. Et on voit qu'il s'est endormi un petit peu avant 22 heures en faisant quelques allers-retours. Et puis on voit le sommeil qui est interrompu entre 22h30 et minuit et demi. Et puis on voit un sommeil qui est interrompu régulièrement et des cycles du sommeil avec des épisodes de rêve. On doit 1, 2, 3, 4, 5 épisodes de rêve qui sont eux-mêmes interrompus. Ce patient ne ronfle pas et a très peu d'apnée. En revanche, si on regarde cet autre tracé, on voit un sommeil qui est également fragmenté, mais on observe des arrêts respiratoires de plus de 10 secondes associés à un allègement du sommeil qu'on appelle un micro-éveil, et également une chute de l'oxygène mesurée par un petit capteur qu'on met au bout du doigt du patient ou de la patiente et qui permet de mesurer la saturation en oxygène de l'hémoglobine qui diminue à partir du milieu de l'apnée ou de l'hypopnée et qui reprend une valeur normale lors de la reprise respiratoire. Vous analysez ces courbes en regardant en même temps l'enregistrement vidéo ? Oui, on commence par analyser le sommeil afin de déterminer ce qu'on appelle un hypnogramme. Un hypnogramme, c'est le fait de déterminer les stades de sommeil au cours de la nuit. Et on mesure la durée, la latence d'endormissement, la latence de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil de rêve. On mesure la fragmentation du sommeil et on regarde l'architecture globale lors d'un hypnogramme qui permet de voir s'il y a une architecture qui est conservée. À l'issue de cet examen des enregistrements et à la suite de l'analyse du questionnaire préalable, comment vous adaptez à un traitement ou comment vous conseillez vos patients ensuite pour éradiquer ces troubles si c'est possible ? Alors, effectivement, vous avez raison d'insister sur les questionnaires avant la consultation. Il permet d'avoir une orientation. Le patient souvent nie ses symptômes. Je ne suis pas somnolent, alors qu'on voit très bien qu'il est sur son canapé en train de dormir. On sait que le patient peut involontairement biaiser les choses. La mise en place du traitement est une discussion avec le patient pour le faire adhérer à ce traitement. D'accord ? Donc on pose des questions et on analyse non seulement en fonction de son discours, mais également en fonction des scores des questionnaires et de la polysomnographie. Et donc on fait une synthèse et, très important, de l'agenda de sommeil. Parce que chez les patients qui disent ne pas être somnolents, on leur demande lorsqu'ils bâillent de mettre des petits ronds sur cet agenda de sommeil et on constate que l'agenda de sommeil est rempli de petits ronds et donc ils sont somnolents. Et c'est lors de la deuxième consultation où on réexplique à nouveau ce que c'est la somnolence et donc c'est lors de la consultation où on rend les résultats de l'examen polysomnographique qu'on fait une synthèse, un diagnostic, deux thérapeutiques. Une fois le diagnostic fait, on propose un traitement approprié de l'apnée, au premier rang desquels se trouve la ventilation par pression positive continue, qui traite toujours les apnées et les hypopnées. Quand le patient a un index d'apnée-hypopnée entre 15 et 30 par heure de sommeil, on peut proposer d'abord la ventilation par pression positive continue ou bien un traitement qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire qui avance la mâchoire inférieure vers l'avant. La chirurgie peut être proposée dans certains cas, comme par exemple en présence de très grosses amygdales. Mais le traitement principal est la ventilation par pression positive. Voilà le reportage du jour consacré à ces troubles d'apnée du sommeil obstructif. Une réaction, Joël Adrien, à ce que vous venez d'entendre ? L'apnée du sommeil, c'est un problème mécanique. Hein, c'est que au moment où la personne respire, la voie aérienne supérieure se bouche et donc l'air ne peut plus passer. Donc pour le traiter, on souffle de l'air dans le nez pendant toute la nuit sous pression. Donc ça empêche la voie de se boucher. Bon, c'est juste mécanique, c'est pas grave, sauf que les conséquences sont qu'il va y avoir une hypertension et un certain nombre de troubles, de la somnolence d'abord parce que le sommeil n'est pas de bonne qualité. Vu que, comme il était dit dans le reportage, il y a des micro-éveils très souvent, donc le cerveau ne dort jamais profondément de façon continue. Et ensuite, il y a à long terme des risques cardiovasculaires et métaboliques, donc il faut absolument le traiter. Ce que ça signifie, c'est que ça peut être un peu la double peine que le gonfier, on peut être apnéique du sommeil et insomniaque, l'un n'est pas excluant de l'autre. Oui, bien sûr. Et comme vient de le dire Joël, c'est très important de se faire soigner quand on souffre d'apnée du sommeil, parce que puisque le sommeil va être perturbé, fragmenté, et qu'on sait que l'apnée du sommeil est associée à des troubles métaboliques, à des troubles cardiovasculaires, on n'est pas en train de parler d'un trouble qui n'est pas grave. C'est important de se faire soigner vite, et on conseille souvent aux gens qui et sont des ronfleurs et sont somnolents pendant la journée ou éprouvent des difficultés, et éventuellement qui sont en surpoids, de consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas une apnée du sommeil et s'il y en a une, de la faire soigner au plus vite. Il y a une autre pathologie qui est souvent liée à l'insomnie et qui touche beaucoup de monde, hein, selon les chiffres que je me suis procuré, c'est le syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que c'est exactement, Joël Adrien ? Quel est le lien avec les insomnies chroniques ? Alors, le syndrome des jambes sans repos, ce sont les jambes qui vont bouger la nuit. Et c'est de la même façon que les apnées, c'est pas grave, c'est juste un espèce de réflexe qui se met en route, un mécanisme qui se met en route neurologique. Mais ça va alléger le sommeil. Donc la conséquence, c'est que votre sommeil va être fragmenté avec toutes les conséquences que ça a sur le cardiovasculaire, la vigilance diurne, etc. Et c'est très souvent associé à ce qu'on appelle les impatiences, le syndrome d'impatience, et qui en plus va vous empêcher de vous endormir le soir, parce que vous avez toujours besoin de bouger les jambes, c'est une envie irrépressible de bouger les jambes, jusqu'à presque faire mal, donc il faut bouger les jambes, et du coup, comme vous devez bouger les jambes toutes les 5 minutes, vous pouvez pas vous endormir. Donc il peut y avoir un retard d'endormissement qui est dû au syndrome d'impatience, et souvent c'est suivi des mouvements des jambes sans repos la nuit, donc les jambes qui vont bouger par salve toutes les 20 minutes ou 10 minutes ou voilà, pendant toute la nuit. Mais ça, c'est une pathologie à proprement parler dont on connaît les mécanismes, les fonctionnements, qu'on sait traiter? Non, on ne sait pas très bien la traiter. Il y a un médicament qui peut être efficace, mais qui au bout d'un moment échappe. Enfin, le syndrome des jambes sans repos échappe à l'effet du médicament. Donc, non, le traitement est très difficile à trouver. Oui, Nicolas, moi je voudrais revenir un petit peu sur ce que dit Joël, ce qu'a dit aussi d'ailleurs Claude Gronfillet. Au fond, quel est l'œuf et quelle est la poule? C'est-à-dire cause-conséquence. C'est parce qu'on a un mauvais sommeil qu'on a un risque d'obésité accrue, de diabète, de générer des maladies cardiovasculaires? Ou est-ce que génétiquement, on a un mauvais programme et qu'on a double peine, triple peine, voire pire? C'est un peu les deux, mon général. Moi, j'aimerais bien passer la parole à Claude Gronfillet parce que la chronobiologie nous a permis vraiment de voir les choses sous un autre angle que juste la pression de sommeil et voilà des années 70. À partir de 1980, on a vraiment compris qu'il y avait une très grande importance de l'horloge biologique et donc du rythme de vie. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus bousculé hein, dans notre façon de vivre. Donc, je crois que le point de vue du chronobiologiste est vraiment très, très important à considérer parce que ça rentre aussi dans l'histoire de l'œuf et de la poule. Et donc, voilà, j'aimerais bien que Claude puisse s'exprimer à ce sujet. Claude Gronfillet, on vous écoute. Alors, je ne pourrais pas répondre, Joël, à la question « quel est l'œuf et quelle la poule ?» Malheureusement, en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup appris ces dernières années sur les liens entre ces différents troubles. Donc là, vous évoquiez à l'instant le lien entre l'obésité et les troubles du sommeil. Est-ce que c'est l'obésité qui crée des troubles du sommeil? Est-ce que c'est le trouble du sommeil qui crée l'obésité? En fait, c'est les deux, évidemment. Les deux sont liés, les deux sont associés. L'un peut être la cause de l'autre et vice-versa. Ce qu'on a appris avec la chronobiologie ces dernières années, c'est qu'il existe un certain nombre de facteurs environnementaux qui vont perturber notre horloge biologique. Et dès lors que l'horloge biologique est perturbée, puisqu'elle est impliquée dans un ensemble de régulations, eh bien on va perturber ces régulations, c'est-à-dire que les fonctions biologiques ne vont pas s'exprimer au bon moment. On va, par exemple, si on est un travailleur de nuit ou une travailleuse de nuit, manger au mauvais moment. Et ça va être associé à une prise de poids ou ça va être associé à d'autres troubles de type diabète qui pourrait être indépendant de la prise de poids ou etc. Donc le fait d'avoir une horloge biologique désynchronisée va causer des problèmes à plusieurs niveaux, va causer des perturbations du sommeil, mais indépendamment de ces perturbations du sommeil, ou en tout cas on pense que ça peut être indépendant, même si les deux sont toujours très très liés, eh bien on va avoir des troubles qui dépendent de l'horloge et de sa désynchronisation. Une des dernières choses que j'aimerais ajouter, c'est concernant les rythmes biologiques, ce qui a été découvert, c'est qu'il existe un ensemble de gènes qu'on appelle les gènes horloges. Ces gènes-là, ils sont au nombre d'une dizaine, une quinzaine, expliquent le fonctionnement de l'horloge biologique. Ils expliquent comment l'horloge biologique reste à l'heure et comment est-ce qu'elle peut finalement exprimer ce qu'on appelle ça la propre période endogène de l'organisme. En moyenne, on a une vitesse d'horloge qui est comprise entre 23h30 et 24h30. Les couches tard leftard ont une horloge lente, 24h, 24h15, 24h30. Les couches tôt leftôt ont une horloge rapide, par exemple de 23h30 ou 23h45. Ce qui a été découvert, c'est que ces gènes horloges, ils ne sont pas impliqués que dans l'horloge. Ils sont aussi impliqués dans l'anxiété, dans la dépression, dans le métabolisme, dans l'obésité, etc. Ce qui fait que en perturbant l'horloge, on va aussi perturber la régulation de ces mécanismes-là. Donc, on peut voir que on a encore beaucoup de travail à accomplir, mais en effet, on se rend compte que le sommeil, ça n'est pas qu'une question de pression de sommeil qui s'accumule pendant la journée. l'horloge est là, elle est très impliquée dans le sommeil de bonne qualité et sa perturbation va induire un ensemble de troubles. Et on vient de vous mettre sur le fil Facebook de l'émission Atlamed FC un lien vers l'émission que nous avions consacrée précisément à la chronothérapie et comment la médecine aujourd'hui s'adapte justement à l'horloge biologique pour délivrer des traitements à différentes heures de la journée ou de la soirée en fonction des effets recherchés. C'était une émission passionnante que je vous conseille. Peut-être un mot aussi, Claude Gronfier ou Joël Adrien d'ailleurs, je ne sais pas qui souhaite répondre, sur des recherches récentes que j'ai vues autour de cette notion que vous évoquiez tout à l'heure, Joël Adrien, de l'hyper-éveil et de la production d'orexine, qui est l'hormone de l'éveil, qui peut être déréglée chez certains patients et qui produisent trop de cette hormone qui les empêche justement, qui conduit à de l'insomnie chronique. Jusqu'ici, c'est surtout un déficit d'orexine qui a attiré l'attention des scientifiques, parce que c'est la cause principale identifiée d'une maladie qui s'appelle la narcolepsie. Alors, avec cette découverte, elle a été faite dans les années, au début des années 2000, fin de, en 1999 et début 2000. Et, donc, elle a tout de suite attiré l'attention en se disant, puisqu'il y a un neuromédiateur de l'éveil, peut-être que si on arrive à le bloquer, on va aider les gens à dormir en supprimant l'hyperéveil. Donc il y a eu des recherches et du développement de pharmaceutiques qui s'est développé en ce sens, qui a été très utile pour l'hypersomnie et la narcolepsie. Donc c'est, effectivement, ça soigne cette maladie-là. Et mais par contre, pour en faire un médicament contre l'insomnie, c'est pas encore vraiment validé. C'est pas validé parce que ça ne fonctionne pas bien, parce que on n'a pas trop... Parce que les études sont longues et il n'y a pas encore assez d'études pour qu'on soit vraiment sûr que ça soit pertinent d'utiliser ce genre de médicaments. En dehors de pathologies identifiées comme la narcolepsie et l'hypersomnie. Puisqu'on arrive justement dans les dernières minutes de cette émission, parlons un peu aujourd'hui des traitements qui sont à disposition pour les insomniaques. On a tendance, je le disais tout à l'heure, à dire, bon, bah, puisqu'on a insomnie, prend des somnifères. La stratégie médicamenteuse aujourd'hui, Joël-Adrien, vous dites qu'elle n'est pas toujours efficace, qu'il faut réussir à essayer de faire sans, de la contourner, de passer par d'autres types de thérapies. C'est-à-dire les somnifères, d'abord ils sont très nombreux de différentes sortes. Il faut savoir que ce sont des bons médicaments s'ils sont pris ponctuellement, donc assez rarement, pour éventuellement arriver à dépasser des grandes difficultés. Voilà, de temps en temps, on peut s'aider avec un somnifère qui est adapté. Mais sur le long terme, c'est absolument impossible d'utiliser les somnifères parce que au bout d'un moment, il y a une tolérance qui se construit. Donc, ils ne sont plus efficaces. Et il y a une dépendance, c'est-à-dire que si on arrête, c'est la véritable catastrophe, on ne dort plus du tout. Donc, il faut vraiment prendre garde à ça et pas les prendre pendant plus de 15 jours, 3 semaines d'affilée. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux se dire d'emblée, ponctuellement, pas plus de 2, 3 fois par semaine, donc grand maximum. La génération à qui on a prescrit le Temestal dans les années 70, et qui est encore aujourd'hui, c'était une erreur thérapeutique. Voilà, ben ça date à dire comme c'est efficace au début, on se dit ben c'est un bon choix, quoi, c'est une bonne stratégie, mais après on se trouve dans le cercle de la dépendance et c'est très difficile d'en sortir. Donc après, ceci étant posé, il y a toujours une façon d'améliorer les choses avec la thérapie comportementale et cognitive, et c'est la seule méthode de traitement de l'insomnie qui est efficace sur le long terme. Ça va de la guérison pratiquement à quand même un soulagement substantiel par rapport au problème de sommeil. C'est d'apprendre à gérer. Mais en quoi ça consiste, ces thérapies, Joël-Adrien ? Ça consiste à faire prendre conscience aux personnes du cercle vicieux dans lequel elles se trouvent. Tout à fait inconsciemment, parce que c'est normal quand on dort pas bien, de se dire je vais aller me coucher plus tôt, ou si on dit je vais dormir plus tard parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je vais essayer de prolonger mon sommeil. Donc on adopte des stratégies qui finalement vont contrecarrer, déjà faire fi de l'existence de l'horloge biologique, parce que si on reste au lit toute la matinée, votre horloge biologique elle vous dit pas du tout de faire ça, hein. Elle vous dit le jour qu'il faut être actif. Donc déjà on va contrecarrer l'influence de son horloge biologique, donc plus rien ne va fonctionner correctement, et ensuite ça va s'aggraver de plus en plus, parce que on est de plus en plus somnolent, on souffre de plus en plus de l'insomnie, donc on va trouver d'autres stratégies pour essayer de se soulager, elles sont contre-productives. Donc déjà, il faut expliquer, les thérapies comportementales et cognitives, elles sont basées surtout sur des explications scientifiques à la portée de tous, hein, de qu'est-ce qui, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça cloche, qu'est-ce qui marche pas. Et à partir de ce moment-là, on a des outils pour arriver à sortir pas à pas du cercle vicieux. Et c'est une méthode qui est validée, qui a été validée depuis 20 ans dans les pays anglo-saxons, très peu en France, malheureusement. On a toujours du retard sur ces méthodes-là. C'est une méthode qui est validée, qui dure pas longtemps. Ça dure 6 semaines à peu près, à raison d'une séance par semaine, ou 8 semaines. Et donc, en 2 mois, vous avez compris comment gérer votre sommeil, et l'amélioration est vraiment substantielle. Claude Gronfi, à ce propos, peut-être sur soit sur les nouvelles molécules, soit sur les TCC, soit sur les différents remèdes qui sont aujourd'hui à la disposition, l'arsenal médical qui est à la disposition, thérapeutique qui est à disposition des médecins. Il y a deux insomnies particulières dont j'aimerais parler. C'est l'insomnie qui est éprouvée, vécue par exemple les adolescents ou les individus qui sont en situation de retard de phase de l'horloge biologique. Ce sont ceux qui ont beaucoup de difficultés à s'endormir le soir, qui vont éventuellement s'endormir, mais à 2h ou 3h du matin, et qui vont avoir toutes les peines du monde à se lever le matin pour aller au travail, aller à l'école, etc. Donc, ils souffrent d'une insomnie là de début de nuit, qui est liée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, au fait que l'horloge biologique de ces individus est en retard et ne déclenche pas le sommeil au bon moment. En tout cas, au bon moment pour pouvoir avoir une activité socio-professionnelle normale. Si on les laissait vivre leur rythme biologique, eh bien, ils se coucheraient à 2 ou 3 heures et ils se lèveraient éventuellement à 11 heures au midi, mais ça ne poserait de problème à personne. Sauf que ceux-là vont avoir des difficultés si ils ont un travail qui les oblige à se lever tôt ou une activité qui les oblige à se lever tôt. Dans ce cas-là, il n'y a pas de molécule encore qui soit totalement suffisante. La mélatonine est l'une des molécules qu'on peut utiliser dans le cas particulier du retard de phase de l'horloge. Mais dans le cas inverse de l'avance de phase, la mélatonine n'est pas conseillée. Dans ce cas-là, il faut utiliser les approches chronobiologiques. On utilise beaucoup les approches thérapeutiques qu'on appelle photothérapie, ou on appelait avant luminothérapie, qui sont très efficaces et qui permettent d'avancer l'horloge. C'est moins pratique que de prendre un comprimé le matin au réveil, mais en tout cas, c'est l'une des seules approches qui sont recommandées dans le traitement de ce retard de phase. Et puis le dernier point, c'est l'insomnie qui est éprouvée par un grand nombre de nos concitoyens qui sont des travailleurs de nuit ou des travailleurs postés. Ils souffrent d'insomnie, pourquoi ? Bah parce que quand ils vont travailler la nuit, ce matin en rentrant à la maison, ils vont vouloir se reposer, ils vont vouloir dormir. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, dans sans doute 80% des cas, l'horloge biologique de ces travailleurs de nuit n'est pas calée sur le travail de nuit. Elle va continuer à exprimer la nuit biologique pendant la nuit et la journée biologique pendant la journée. Ce qui fait que quand ils vont aller se coucher le matin, ils vont être épuisés, ils vont s'endormir très très vite parce que souvent, ils vont avoir, la plupart du temps d'ailleurs, ils vont avoir une très très grande pression de sommeil qui fait qu'ils vont s'endormir vite. Mais au bout de 5 heures ou 6 heures, ils vont se réveiller. Ce qui fait que ces individus-là vont se trouver dans une situation très compliquée d'incapacité de dormir suffisamment longtemps. Un, parce que leur horloge ne leur permet pas, mais aussi souvent parce que l'environnement qui est plus bruyant, qui est plus lumineux, ne leur permet pas. Donc dans ces situations d'insomnie qui sont liées à des désynchronisations de l'horloge biologique ou une absence de synchronisation de l'horloge biologique, les molécules ne sont pas recommandées et il faut passer par des approches thérapeutiques qui sont liées à la chronobiologie. Oui, alors les journalistes connaissent bien ce problème. Ceux qui font leur vue de presse, nos camarades matinaliers, je peux vous en parler, j'ai fait la matinale un petit peu. Je voulais vous dire aussi que toutes ces questions vont être largement débattues dans tous les centres du sommeil en France, à l'occasion de la journée du sommeil vendredi prochain. Le 22 mars. La journée nationale du sommeil. On va reprendre tous ces thèmes dans chaque région, dans chaque ville où il y a un centre du sommeil. Vous pourrez avoir cette opportunité de réponse à vos questions. Et toutes les informations sont centralisées sur le site de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Un dernier mot pour conclure peut-être, Caroline ? Oui, pour pas désespérer nos auditeurs, parce que là on leur a parlé de thérapie lourde, ou en tout cas qu'il faut vraiment prendre les choses en main, parce que ça peut dégénérer, être très grave. Il y a aussi 2-3 petits conseils, je dirais, de bon sens, qui sont de surveiller son alimentation le soir, de faire du sport, parce que pendant toute une époque, on disait non, faut pas faire de sport en fin de journée, donner parce que ça vous excite, etc. Maintenant, on revient complètement sur cette idée que ça provoque au contraire de la détente, etc. Pensez à avoir une chambre qui est adaptée à l'endormissement, un peu fraîche, enfin des tas de petites choses finalement de la vie quotidienne. Pas. Et très peu de lumière le soir, Lumière le soir, et arrêtez de regarder la télé une heure avant d'aller vous coucher. Regardez moins la télé, écoutez la radio, ça vous bercera, vous pouvez vous faire tous les podcasts de la méthode scientifique avant d'aller vous coucher. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Joël et Adrien. Merci beaucoup Claude Gronfier. Merci à nos camarades de studio de Radio France à Lyon pour le duplex. Merci Caroline Brun, je rappelle, Science et Avenir, le numéro du mois de mars, l'univers noir, énergie noire, matière noire, galaxie noire, trou noir, des nouvelles découvertes, et puis ce dossier que vous avez piloté, stress et sommeil. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Étienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Tom Imdenstock, Noémie Naguet, Céline Lezen, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, nous nous intéresserons aux nuages, à leur diversité, à leur formation, à ce qui pourrait se produire dans l'éventualité de la disparition d'une partie d'entre eux. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.